faut du temps pour trouver les paroles. Libre, parole, tradition. Voilà, il y a les traductions en même temps, nous avons su comprendre ce que je dis. Prends ma main, je veux te toucher. Ouais, c'est mal traduit. Bon, allez, c'est bon, je suis ok. Moi, je suis prêt. Come on my hand. Bon, ils sont prêts, les pianistes? Capella. I wanna count that living, not sure I understand. Aïe, oh le salaud, il m'a rendu sourd, Jordan. Jordan! Jordan, tu sors. Bon, maintenant je peux bien vous la faire, mais je pense que je vais chanter faux. J'ai perdu l'audition. Non, mais moi je suis au casque alors, c'est encore terrible. Bon, on y va, allez. En plus, elle est belle ça. Putain, en plus, je suis un truc de. Un truc qui systématiquement. Allez. Come on, all my hand. Come on, all my hand. Va chercher ton micro, hein. Je change, j'ai les oreilles explosées. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.